glock les cops, lock les docks. Pour les locks, c'est glock, c'est dense. Si les gosses foutent le box, lâche ta clope, smoke, c'est toxique. Ça glisse dans les abysses, ça pue la pisse, ça se pète la tête. Je fais ça, cette fille, ça limite ça. Le fils, c'est l'envie que ça pète. Donc, glock les cops, lock les docks. Pour les locks, c'est glock, c'est dense. Si les gosses foutent le box, lâche ta clope, smoke, c'est toxique. Ça glisse dans les abysses, ça pue la pisse, ça se pète la tête. Je fais ça, cette fille, ça limite ça. Le fils, c'est l'envie que ça pète. ONG, aide au logement, viens les renforts. La NCE, pas l'SDF qui sera mort dans pas longtemps. Parce que on ne les aide pas à faire carrière. À ce que je sache, on ne les sort pas de leur putain de galère, ma gueule. À chaque clou qui braille seul, on s'en tape et on pleure. Plus la mort de Michael. Alors qu'avec le fric que de toutes ces chirurgies, on aurait pu ouvrir des centaines d'écoles en Algérie. Pour la OBA, que la France soit oubliable. Pour tous les villages de France qui vivent dans le brouillard. Parole d'un mec de 20 piges, franco-marocain. Dernier avertissement, j'ai le sang chaud, prends carotien. Où est l'intérêt dans leur dommage? Je préfère me faire enterrer sous leur chômage. On te parlait Rémi, en bref, aide sociale. Mais quand t'es à la barre, tu vois que le système plaide. Déjà 16h du matin, dans ma tête, je ressens tous ces effets flagrants. Car chaque réveil s'accompagne de Doliprane et des Feralcor. La plupart de mon temps se fait dans les soucis et les sous-sols. Moi je veux une vie, pas sous un parapluie, mais sous un parasol. Je m'active. Tant de déboires en émarge, j'en ai marre de les voir, de les voir. Ça m'active. Et moi j'en ai marre de voir que l'État ne fait pas son devoir. Ça m'active. Pour de la maille, des mecs qui se battent et se mettent au défi. Moi je me barre, c'est normal, je démarre, j'en ai marre de voir que l'État se défile. Y'a peu de bonheur, donc petit pas. Cool. Le père Noël te fait si rare, mais mon sapin, on a les boules, écoute un coup. Ouais. Tu peux ranger toutes tes gouttes luxe, la preuve, mon petit DGDA reste une garrot et un bon bol d'air pur. J'assume mon somme, m'assure mon sort, mes agents, suis-moi sur la somme de mon somme et le son de le son et la somme et la seule à son assure. Aucune insulte, car c'est pour mes frères que j'ouvre la bouche. Si je peux pas me voir en peinture, normal sur speed, j'en rajoute une. Au les cops, lock les docks, pour les locks, c'est glauque, c'est dense. Si les gosses foutent le box, lâche ta clope, smoke, c'est toxique. Ça glisse dans les abysses, ça pue la pisse, ça se pète la tête. Je fais ça, cette fille, ça limite ça. Le fils, c'est l'envie que ça pète. Au clock, les cops, lock les docks, pour les locks, c'est glauque, c'est dense. Si les gosses foutent le box, lâche ta clope, smoke, c'est toxique. Ça glisse dans les abysses, ça pue la pisse, ça se pète la tête. Je fais ça, cette fille, ça limite ça. Le fils, c'est l'envie que ça pète. Sur ma feuille d'étain, différents mais tous des déteints. Sur mon table, l'État nous a sur le mental. Blessant nos semblables, ce qui me semble. Qu'on puisse rassembler pour faire couler leur sang. Nous sommes comme des rassemblés. Dehors, marchant main en main, mais qui doivent du savoir, de la connaissance et non de la connaissance. C'est par des bouquins qui doivent cramer par une essence. On est sans ce sens, une liberté, mais toi seul. Resserre tes chaînes, tu pars en coup, ton coup de serre. En désert des coups, tu cours, on te serre, on te serre. Du coup, hey, un claustro. Nos portes sont claustros, ce qui fait que nos esprits bougent pas comme claustro. Car touristes, mensons nos situations à tout risque. Tous rient, tous répondent pour ça nos douces. Triste, triste tour de rime qui décrit notre image. D'un monde imaginaire, inerte qui trimarche. 24, je lâche une arme de sang pour injustice. Juste histoire de dire qu'à son jour mon doigt atteint son sol. C'est mon père Chirac, ouais frère, je jacte. Dormez-vous, dormez-vous. C'est pas une comptine, connais la combine. Par ma plume, tu dis que ça vole pas haut. J'évite d'être trop lourd, élargis mes horizons pour pas finir derrière les barreaux. Payé par le fils pour insulter le père au micro. C'est un boulot rigolo, mais un boulot pour idiot. Celui qui alimente les clichés ne développe pas leur objectif, fait de nous ficher. Insulte-le, insulte-le, il en sortira glorifié. Alors qu'il est tous nos médias en sont détournés. Au clock les cops, lock les docks, pour les locks c'est glauque, c'est dense. Si les gosses foutent le box, lâche ta clope, smoke, c'est toxique. Ça glisse dans les abysses, ça pue la pisse, ça se pète la tête. Je fais ça, cette fille, ça limite ça, le fils, c'est l'envie que ça pète. Au clock les cops, lock les docks, pour les locks c'est glauque, c'est dense. Si les gosses foutent le box, lâche ta clope, smoke, c'est toxique. Ça glisse dans les abysses, ça pue la pisse, ça se pète la tête. Je fais ça, cette fille, ça limite ça, le fils, c'est l'envie que ça pète.